Quand un Italien de Naples ou de Capri, le cœur est pris, veut faire à sa belle un petit brin de cour, il doit chaque jour, sous son balcon, la bouche en rond, chanter l'amour profond, avec une mandoline. Au ciel d'Argentine, il paraît que les gauchos, au centre au chaud, ne parlent d'amour qu'à cheval sur un taureau, dans un tango. Moi je ne suis pas si compliqué, et je dis pour m'expliquer à celle dont je suis piqué. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hop là là, viens centre là là, hop là là, c'est pas un gala, c'est à la hop, la l'air. Si ça te va, ça me va, serre-toi dans mes bras, et puis t'en fais pas, entre nous ça sera tout à la papa. Pas besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera, en remontant à la, hop là là. Certains ont besoin pour trouver leur bonheur à la hauteur, de discours savants qu'ils prononcent à mi-voix, tremblant des mois. Au riche il faut une belle auto pour aller en duo, voir le Porto dans le même verre. Pour promener ma gosse, je n'ai pas de 40 chevaux, je n'ai qu'un vélo. Je ne peux lui offrir ni champagne, ni gâteau, ni petit cadeau. Pour dessous de fleurs, je vois du bonheur dans ses beaux yeux rieurs, et je lui soupire en douceur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hop là là, viens s'entra là là, hop là là, c'est pas un gala, c'est à la hop, la l'air. Si ça te va, ça me va, serre-toi dans mes bras, et puis t'en fais pas, entre nous ça sera tout à la papa. Pas besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera tendrement à la, hop là là. Besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera tendrement à la, hop là là.